La délégation de la Fédération générale des syndicats de Corée, conduite par Kim Dong-sun, vice-président de son comité central, a quitté Pyongyang le 1er octobre par train pour visiter l'Iran et participer à la 17e conférence de la Fédération syndicale mondiale prévue en Afrique du Sud.